La vérité a le meilleur goût dans la bouche de qui l'a dit. Si loin du fiel, la merde des mensonges, la vérité a une telle senteur qu'aucun parfum ne peut l'approcher. La vérité a une telle douceur que notre peau devient pétale de fleurs qui se met à s'abreuver de tous les sucs de l'humanité. La vérité a les yeux les plus tendres qui ne font que te bouleverser. La vérité, c'est le son des mots qui t'articule le sens sensuel, sensible et sensé, sensitif et sensationnel. La vérité, la vérité est la seule qualité qui convainc tous nos sens à la fois. Tout le reste n'est que cinéma mensonger. La vérité est la seule qualité qui ne s'usera jamais et qui t'emplit d'autant plus de joie que tu en es déjà tout empli. Qui t'emplit d'autant plus de joie. La vérité a pour ami l'authenticité, la sincérité, la générosité, le bonheur, l'extase et la simplicité. Le mensonge n'en a aucun, puisque mentant à tous et tous les mentent. La vérité est la vérité. Les femmes ne peuvent vivre sans un peu de vérité. Les femmes ne peuvent vivre sans un peu de vérité. Sans qu'il n'y ait pas de société possible. Oui, nous parlons de ces femmes rebelles, rejetées par toutes les autres femelles. La vérité est la vérité. La vérité a le meilleur goût dans la bouche de qui l'a dit. Si joie du fiel à mettre des mensonges. La vérité a une telle senteur qu'aucun parfum ne peut l'approcher. La vérité a une telle douceur que notre peau devient pétale de fleurs. Qui s'appelle à s'abreuver de tout le suc de l'humanité. La vérité a les yeux les plus tendres qui ne font que de bouleverser. La vérité, c'est le son des mots qui t'articule le sens sensuel, sensible et sensé, sensible.